Il me semble que son deuxième nom, c'est Jack, en fait. Et justement. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il s'appelle Daniel Jackson. Et du coup, pour moi, il a mis Jack et il a rejoint, mais après, oui, il est parti. Peut-être qu'il a crash. Possible aussi, ou qu'il y a eu un événement. Il a fait ça. Mais bon. Je lui dirais que. Après, moi, tu vois, je me casse la tête et tout ça, et heureusement que vous êtes là, parce que du coup, ça me permet de me rassurer sur ce que je veux dire sur le fait que le son est correct. Parce que, moi, de mon côté, parfois, j'ai l'impression que le son est trop plat ou trop pas assez organique, alors que, ouais, c'est. Ouais. Après, c'est un casque qui est censé être neutre pour vraiment. Oui, du coup, parce que le mec qui était là avec la basse, en fait, était occupé de paramétrer les trucs. Ouais, comme tu. Je m'attendais à ce que tu restes plus, du coup. Mais il n'y a pas de souci, je vais. Ah bah fonce alors, fonce. Ah bah oui. Ah bah c'est cool. Ah je suis content pour toi. Ah bah cool. Ah bah il faut. Pas nickel. T'inquiète pas, moi j'ai de quoi m'occuper encore après. Et pas que en musique, donc t'inquiète pas. Salut, ok ça va. Merci, bonne soirée à toi. Encore merci pour le jam. Assurément. Bah, tu me tiens au jeu. Tu me tiens au jeu. Ah, oh. Ah, bah, écoute, j'ai hâte. Merci, merci. Bonne soirée et bonne journée. Bon, bah oui, bon week-end, du coup. Allez. Salut, salut!